Portrait d'assaut sur Fadjet. Découverte d'une toute jeune association qui vient fêter ses 1 an en ce mois de décembre, c'est l'association L'Orital. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Nicolas Setembre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de cette association. Eh bien oui, merci pour cette opportunité. Ben, je vous en prie. Et Isabelle Scherrer, bonjour. Bonjour. Donc membre du bureau et qui a aussi en charge un des projets de l'association, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. On va commencer bien sûr avec Nicolas Setembre. Un petit accent quand même. Ah ben oui, italien, c'est sûr, je suis là depuis un certain temps, mais je garde toujours mon accent italien. L'Orital, expliquez-nous un peu l'origine de cette association. Eh bien en fait, c'est une association qui est née grâce à la sollicitation plutôt des Français que des Italiens. Vous savez tous que la Lorraine, c'était une des grosses des régions où les Italiens ils ont plus migré. Et bon, la migration, ça continue pas forcément comme à l'époque, mais en fait, on a plein d'étudiants, plein de gens qui ont trouvé travail, famille dans la région, et d'autres personnes qui sont restées depuis une cinquantaine d'années déjà en Lorraine. Et en fait, les Français nous ont proposé de participer à certaines activités avec nos groupes d'Italiens déjà installés à Nancy. On s'est dit, pourquoi pas fonder une association, justement L'Orital, qui c'est une association qui a comme but de consolider les liens entre les Italiens et les Français de la région, donc Lorraine, Italie, et dans tout le Grand Est, hein, parce qu'on a quand même pas mal de participants qui viennent d'un peu plus loin que Nancy. Oui. Et en fait, le but, effectivement, c'est de changer, d'échanger avec les Lorrains, les Français, les Italiens, la culture, avoir différentes activités au cours de l'année. Parce qu'il n'existait pas encore aujourd'hui d'associations culturelles autour de l'Italie, enfin de ce lien avec la France et l'Italie et Oui, il y a d'autres associations, mais en fait, nous, on voulait vraiment étendre un peu plus en large échelle et pouvoir donner différentes opportunités. Donc, on fait des cours de cuisine, on fait des activités pour les enfants, des activités pour les étudiants, pour les retraités. On a aussi des événements culturels comme par exemple des cafés littéraires. On invite des auteurs qu'on a connus en livre sur la place. D'accord. Et qui nous feront l'honneur de prendre un café avec nous et de nous parler de leur expérience et de leurs écrits. Même autour du cinéma, on va le voir tout à l'heure avec le caméo au mois de janvier. Mais pour une association qui n'a que 1 an d'existence, on voit qu'il y a déjà une liste d'actions menées assez impressionnante. Eh bien oui, on a un bureau qui est riche d'idées. On a un bureau qui est composé justement de Français et d'Italiens. Et chacun, il peut amener son idée et nous, on les aide à la développer. Et tout naturellement, vous êtes retrouvée présidente donc, de cette association. Vous aviez déjà un engagement associatif avant Je suis très engagée pour mon travail, mais d'un point de vue associatif en Italie, j'avais quand même toujours participé à des associations. Et en effet, avec Serena Ivaldi, notre secrétaire générale, on a eu cette idée. On a monté un soir, on prenait un thé, on s'est dit, allez, on fonde l'association et c'est parti. Tout simplement. Tout simplement. Et après, le reste, c'était fait par déjà les inscrits. On a déjà plus de 70 inscrits pour la première année et on compte déjà un chiffre un peu plus élevé pour la deuxième. Donc ça répond vraiment tout de suite à un besoin. Je pense que oui, j'espère aussi. Isabelle Scherrer, donc vous êtes membre du bureau. Comment a commencé cette aventure pour vous au niveau de l'association L'Orital? Alors je suis arrivée en fait très très récemment et je recherchais un partenariat pour créer une section, on va dire, de carnaval vénitien. Moi j'ai sauté dans une marmite qui est le carnaval vénitien, ouais, en ayant été, en l'ayant vu, voilà. Et comme je suis très active et que je bouillonne toujours de plein d'idées, voilà, j'ai rencontré cette association, voilà. Et en fait, c'était pas un partenariat, c'est qu'ils m'ont proposé de venir directement chez eux, au bureau directement, et puis de pouvoir créer cette section-là. Plus d'autres choses, donc, puisque comme je bouillonne d'idées et que j'ai toujours envie de bouger, de sortir, et voilà, et je suis à l'affût de tout. Donc mes idées, je pense, voilà, sont les bienvenues. La motivation première était le carnaval vénitien. Et voilà. Donc, alors, c'en est où et de ce là, projet alors de ce projet, alors c'est déjà de créer cette section, de voir s'il y a du monde intéressé, de créer un atelier d'entraide pour il faut des costumes pour faire un carnaval vénitien, il faut des costumes, voir s'il y a du monde intéressé par ça, ensuite développer des manifestations privées et voire publiques, voire sur Nancy. Donc voilà, c'est déjà une mise en relation. On a le décor à Nancy. Donc, effectivement. Voilà. Effectivement. Donc ça, faut suivre votre actualité pour voir un peu ce qui pourrait être mis en place prochainement autour de cette thématique. On y travaille. Très festive. Oui. On va revenir aussi sur les différents ateliers que vous menez. Donc c'est des ateliers de quel genre et pour quel public ? Ah, pour tout le monde. Ben, par exemple, l'année dernière, on avait commencé avec un atelier gnocchi. Gnocchi et beignet Laurent. Parce ça que attire tout de suite. Oui, hein, ça attirait tout de suite. Et en fait, on pensait que bon, la réponse aurait dû être sous environ une dizaine de personnes. Et on s'est retrouvé avec 48 participants. Donc, c'était convivial et c'était sympa. On a pu faire travailler les gens de tous les âges, y compris les enfants. Donc, on avait fait une table enfant et on a mangé ce qu'on a créé avec nos propres mains. C'était sympa. Et en fait, on essaye toujours de faire participer chacun de l'association en fonction de leur engagement aussi de la vie privée. Bien sûr, on n'est pas très, très exigeant. On essaye effectivement de donner la place à tout le monde. D'autres types d'ateliers que vous menez autour de la langue italienne aussi peut-être ou pas encore ? Oui, des cours de langue, oui. Ils sont en train de se mettre en place. Ouais. Donc soit langue de français, soit langue d'italien. Et dans les cafés aussi, on a la possibilité d'échanger avec des profs qui sont ici à Nancy, donc sont des profs de lettres et littérature, des profs d'histoire, donc sont des personnes qui ils peuvent aider les Français effectivement à apprendre l'italien et vice versa. Et donc ces ateliers ou ces temps de rencontre, il y a un lieu à Nancy aujourd'hui fixe ou est-ce que vous vous adaptez à d'autres endroits? Alors on s'adapte, on a pas mal de partenariats, il y a des cafés qui nous donnent leur disponibilité des locaux, donc en fonction de vidéoprojecteurs, en fonction du matériel dont on a besoin. On est ouvert un peu à tous de façon qu'on puisse se faire connaître et donner la possibilité aussi d'un point de vue géographique à toutes les personnes de pouvoir se déplacer à Nancy de façon la plus simple possible. La région Lorraine et le cinéma ont un lien particulier avec le festival de Villerue, bien entendu. Alors, en début d'année, vous allez proposer une projection, ce sera le 8 janvier et le 12 janvier. Au Caméo, pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Ah ben oui, on a fait une belle rencontre avec les responsables de Caméo en commanderie lors de la sortie du film Gloria. Et on s'est dit pourquoi pas promouvoir aussi des films italiens. Et effectivement, le cinéma Caméo nous a proposé une série de films. Donc depuis la rentrée, chaque mois, on a en projection avec des ciné-débats. Donc on a le film et le débat de la suite. Et ce sont des films un peu historiques, un peu tout ce qu'ils ont fait, l'histoire du cinéma italien. Et donc, avec Céline Barry du Cinéma Caméo, on a cette collaboration qui nous a permis d'avoir aussi des prix préférentiel pour les membres de l'association L'Orital. Voilà, c'est un film familial, hein, tout à fait. Donc ce sera les 8 janvier et 12 janvier, histoire de bien commencer l'année avec l'association L'Orital au Caméo. Et votre association a un an, vous allez le fêter ce dimanche 15 décembre. De quelle manière ? Dites-nous tout. Exactement, donc on a pensé de fêter la fin de l'année et aussi les fêtes de Noël et aussi la fin de notre première année qui était très satisfaisante, en invitant les membres de l'association à l'Assemblée Générale et ensuite dans un repas convivial où chacun y ramènera quelque chose typique de sa région, de sa ville. On pourra se réunir tous, membres et pas membres, surtout c'est un peu les portes ouvertes. On fait une invitation publique aux gens intéressés à nous connaître, donc ça sera à la salle Julière à l'Axou à partir de 11h dimanche matin. Voilà, donc rendez-vous dimanche pour venir à votre rencontre. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour cette année, cette deuxième année d'existence, 2025 qui débute, bien sûr le projet peut-être Carnaval Vésicien aussi, Isabelle. Tout à fait, oui. Oui, on espère de pouvoir intensifier les activités. Je voulais communiquer qu'il y aura beaucoup d'activités, probablement plusieurs aussi dans la semaine, mais on n'est pas obligé de répondre à toutes les invitations. Donc, si quelqu'un il est intéressé à participer, sera le bienvenu. Mmh. Mais ça sera l'opportunité pour les gens de tous les âges aussi, en fonction de leur emploi de temps, d'intégrer de façon à l'aise les activités de L'Orital. Alors, poursuivre votre actualité. Comment fait-on ? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il y a un site internet ? Ah oui, on a un bureau qui est très, très actif. Donc, on a les chargés de communication. Et on a une page Facebook. On est aussi sur Instagram. Mais on est surtout sur Hello Asso. Par le lien Hello Asso, vous cherchez l'Orital. Et on vous amènera sur notre page où vous pouvez faire l'inscription, donc adhérer pour l'année 2025. Et ensuite, adhérer aux activités. La plus grande partie des activités sont souvent gratuites. Mmh. Et donc, ça permettra de donner la propre adhésion aux différentes activités au fur et à mesure. Parfait. Ben, on souhaite une longue vie donc, à l'association L'Orital. Peut-être un dernier mot encore? Je souhaite qu'on puisse vous rencontrer tous dimanche et faire connaissance. Vous êtes les bienvenus. Isabelle? Mais vous êtes également invitée. Merci, alors à dimanche. Merci. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.